La petite sœur par Hector Malot. Tome 1er, première partie, chapitre 1er. Paris est sous la neige. Depuis 15 jours, elle couvre les toits et encombre les rues, blanche en haut, noire en bas. Plusieurs fois, elle a paru vouloir fondre et le dégel a commencé dans la journée sous l'influence du vent d'ouest. Mais le froid a repris le soir avec le vent du nord et de nouvelles couches de neige sont tombées, se tassant par-dessus les anciennes. Depuis qu'il gèle, les ruisseaux n'ont jamais franchement coulé. Ils se sont parfois emplis d'une eau épaisse qui n'a pas pu prendre sa course, ni être balayée à l'égout, et cette eau, les élargissant de plus en plus, s'est répandue jusqu'au milieu de la chaussée en une bouillie fongeuse qui presque aussitôt s'est solidifiée. Sous cette couche de glace, beaucoup de rues sont devenues impraticables. Et là où les cantonniers de la ville ne jettent pas du sable, ce sont les cochers et les charretiers en détresse qui prennent eux-mêmes les cendres et les ordures ménagères accumulées devant les portes pour les répandre sous les pieds de leurs chevaux. Malgré le froid, de ces immondices, gâchées avec la neige en un mortier serré, se dégage une odeur surie. Les tuyaux de descente sont bouchés par un tampon de glace à leur orifice inférieur, et les eaux des toits et des plombs, suintant par les joints, se sont prises au dehors en longues chandelles qui, au ras des trottoirs, forment des taches jaunes. Aux carrefours et aux endroits resserrés, quelques rares tombereaux travaillent tous les jours à enlever la neige, mais si lentement qu'elle ne diminue guère. Il semble qu'ils ne soient là que pour faire acte de présence, et pour donner à ceux qui les chargent lentement l'occasion de gagner quelques sous. Comme s'il était plus économique, pour une ville bien administrée, de nourrir ses pauvres que de les soigner à l'hôpital. Les portes des boutiques sont soigneusement closées, c'est seulement à travers un écran de ramage glacé couvrant les vitres qu'on voit ou plutôt qu'on ne voit pas les étalages des magasins. D'ailleurs, à quoi serviraient ces étalages? Personne ne prend le temps de s'arrêter. Sur les trottoirs, les gens passent aussi vite que, sur les chaussées, les voitures avancent lentement. S'ils sont trop prudents ou trop maladroits pour courir, le souci de s'étaler leur coupe la curiosité. On ne regarde qu'à ses pieds. Sur la neige raboteuse, quand elle n'est pas glissante, on marche avec des hésitations drôlatiques. Les hommes piteux, les femmes ridicules dans leurs chaussons de Strasbourg, les pauvres diables courbés en deux dans leurs maigres vêtements, et si l'on s'arrête quelquefois pour échanger un mot entre gens de connaissance, c'est une lamentation. Quel temps! Qu'en dites-vous? M'en parlez pas. Encore ne m'ont pas à nous plaindre à Paris, mais à la campagne, ne m'en parlez pas. Et c'est de bonne foi qu'en trébuchant ou en glissant dans la rue empoisonnée, au milieu d'une ville qui n'est plus qu'un vaste dépotoir, ces honnêtes parisiens plaignent les paysans. Ces malheureux paysans, ne m'en parlez pas. Réduits à vivre comme des animaux sauvages, au milieu des champs et des bois tout blancs d'une neige immaculée, que le moindre rayon de soleil fait resplendir d'un éclat éblouissant. Si partout la circulation est difficile pour les voitures, elle est à peu près impossible dans les rues en pente, où les chevaux glissent et s'abattent sur les genoux en montant, tout d'une pièce en descendant. Cela est vrai surtout pour les rues qui, de Paris, se dirigent vers Montmartre, et plus vrai encore pour celles qui, des anciens boulevards extérieurs, montent au but. Tandis que la place Blanche, les rues qui aboutissent à ce carrefour sont désertes, le boulevard est encombré de voitures qui se suivent péniblement, cheminant lentement dans la neige tombée le matin. Elles vont à la queue leu-leu, dans les ornières frayées sans essayer de se dépasser. C'est bien assez de garder son rang, et pour ne pas le perdre, les chevaux, tout fumant, tirent à plein collier. Cependant, un coupé attelé de 2 beaux chevaux, conduit par un cocher enveloppé de riches fourrures, apparaît dans la rue de Bruxelles. Les chevaux arrivent au trot, la tête haute, et dans la neige qui craque, le fer des roues sonne avec un bruit clair. Mais à la croisée du boulevard, cette allure tout à fait extraordinaire par un pareil temps se ralentit, et au bas de la montée de la rue Lepic, les chevaux s'arrêtent sans vouloir avancer. Sous la couche de neige nouvellement tombée, la chaussée n'est qu'une glace. Il glisse des 4 jambes et il faut l'adresse et la poigne du cocher pour les maintenir sur leurs pieds. Se couper à courant de ce train, quand toutes les voitures n'avançaient que pas à pas, avait provoqué la curiosité des passants et des gamins qui jouaient sur les contre-allées du boulevard, dont ils s'étaient emparés, les transformant en champs de bataille et en glissades. On avait tourné la tête pour le regarder passer, et quand il s'était arrêté, ne pouvant plus avancer, les balles de neige avaient cessé de voler en l'air, et les retranchements de neige, aussi bien que les glissades, avaient été abandonnés. Et parmi les gens qui s'étaient amassés de chaque côté de la rue, ça avait été un cœur d'exclamations, de questions, d'encouragements moqueurs, de critiques. Tandis que d'autres regardaient curieusement, comme s'ils avaient su les lire, les armes peintes sur les panneaux du coupé, des cornes de cerf sur un écusson, ayant pour support deux amours avec cette devise « Je vaincrai », ce qui pouvait s'appliquer aux cornes aussi bien qu'aux amours. Excités de la voix, des guides, du fouet, les chevaux n'avançaient pas. Ils patinaient sur place, se jetant à droite, à gauche. Ils glissaient, se cabraient. Trois tours de roue en avant, quatre en arrière, c'était tout. Les chevaux, impatients, rebutés, creusaient des rayons sur la glace sans démarrer. Et dans la galerie des curieux, chacun disait son mot, donnait son conseil, faisait sa critique, tandis que les gamins poussaient des huées. Le cocher, qui semblait être un personnage peu disposé à écouter les observations, ne répondait rien, mais il lançait aux donneurs de conseils et aux moqueurs des regards méprisants ou furieux. Après plusieurs tentatives vaines pour enlever ses chevaux, il se tourna brusquement sur son siège et se penchant vers la portière. « Je ne vais pas casser les pattes à mes bêtes, » dit-il. La personne à laquelle il s'adressait était une jeune femme, jolie, élégante, mais qui n'aimait rien d'une grande dame, ni même d'une honnête bourgeoise, malgré la richesse de sa toilette et la bonne tenue de son équipage. « C'est bien, » dit-elle, « je vais monter à pied, attendez-moi. » Elle descendit de son coupé, mais elle n'était ni habillée ni chaussée pour marcher. Une robe longue en satin bleu, Louise, des bottines de même étoffe que la robe, un grand manteau de martre du Canada. Lorsqu'au milieu de la chaussée elle mit les pieds dans la neige où elle enfonça, elle eut un mouvement de répulsion. Cependant, relevant son manteau et sa robe tant bien que mal, elle gagna le trottoir, et là, elle regarda autour d'elle, cherchant. « L'avenue des Tilleuls, je vous prie, » demanda-t-elle à un curieux. « La deuxième à droite, en montant. C'est loin ? Non, là-bas. Et le numéro 3, au bout de l'avenue. » De nouveau, elle leva les yeux vers la rue qui montait devant elle, raide et glissante. Au moment même où elle regardait ainsi, se demandant si elle allait affronter cette montée, une femme qui descendait, marchant avec précaution, glissa sur un caniveau recouvert de neige et s'étala au milieu des rires et des cris des gamins. Cela mit fin à son hésitation. Au lieu de monter la rue, elle la descendit et gagna sa voiture arrêtée au tournant du boulevard. « Nous reviendrons au dégel, » dit-elle.